Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue encore une fois à la barrique numérique. Oui, nouveau nom, nouvelle formule. Même chose qu'avant. Même chose qu'avant, mais alors, nouveau nom. Oui, c'est les frères Gilles et Gaëtan Cassette avec vous pour cette autre séance de parlage de jeux vidéo et de comparaison à une bière. Évidemment. Parce qu'on est bien content de faire ça pour vous, puis on est bien content de le faire aussi pour nous. Fait que on va continuer dans cette jolie lancée dans laquelle on s'est lancé pour discuter de choses qu'on aime. Alors ce soir, comme jeu au menu, qu'est-ce qu'on a, mon cher Gaëtan? Eh bien, ce soir, mon cher Gilles, on joue à Dead Space 3. Oh yes! Jeu que ça fait quand même longtemps que c'est sorti, mais on se devait de le ressortir avec l'hiver, tout ça, la neige. La mort aussi. La mort, toujours la mort. Puis l'espace. Oui, ça, on s'entend jamais de l'espace. Non, non, non, il y a plus que d'espace, plus que de fun. Et oui. Puis aussi, tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on y aille avec une bière ce soir. Bien évidemment. Fait qu'on n'est toujours pas rendu au moment où il faut qu'on décrive le jeu. Je pense qu'on n'est pas encore exactement rendu aussi au moment où on parle de la bière. Je pense qu'on est surtout rendu au moment où des messages d'intérêt public et général. On en a pas. Fait que c'est bon. Bon, mais écoute, avant même de parler du jeu, parlons de la bière. Que buvons-nous ce soir, mon cher Gaëtan? Eh bien, ce soir, nous buvons une Péché mortel de la microbrasserie Dieu du ciel. Oh, une bonne place, le fun. On y va souvent, toi, pour moi, pour ouais, faire du brainstorm. Ouais, c'est ça. Disons que c'est une place qu'on fréquente un petit peu trop souvent. Mais ouais, pour ceux qui sont intéressés, c'est une très bonne microbrasserie sur la rue Laurier à Montréal. Ils font des très, très, très bonnes bières. Trop bonnes bières, certains diront, mais ouais. Puis le Péché mortel, bien, c'est une stout extra forte brassée avec du café. Donc, ça va être un bon punch. On ouais. aime ça. Ouais, on a décidé de choisir cette bière-là ce soir pour deux raisons principales. La première étant, ben, ça prend une bière avec au moins un mot dans le nom de la bière qui nous permet de faire un lien avec le jeu, premièrement. Évidemment. Puis surtout... Le petit côté qu'on connaît déjà cette bière-là, premièrement, c'est pas un premier essai, là. Le petit côté sucré du café mélangé à la bière qui nous rappelle un dessert qui est toujours bien bon après une grosse poutine qu'on mange toujours en préparation à nos émissions de la barrique numérique FM. Tu voulais que je le dise? Oui, oui, ouais, c'est parfait. All right, good, good, good. Fait que sans plus tarder, on va passer à la section des bouches. Fait que là, c'est le moment où on est supposé déboucher la bière. Mais ils sont déjà débouchés. Donc, la seule chose qu'on pourrait faire, dans le fond, c'est essayer de faire couler la bière dans le micro. Mais pas dans le micro. Tu sais, comme le son de la bière. Ouais, attends, on va essayer ça. All right, 1, 2, 3, go. Ah, ça marche pas pire, hein? Ben, mettons. Là. Ah, moi, je pense que c'est winner. Le son là crépite un peu. Oui. Alors, quand elle c'était coule... du non-contenu interactif. Oui, oui, ça c'est du moment contemplatif pour vous, chers auditeurs. Vous nous laissez faire, puis vous en profitez. Il faut en profiter, parce que sinon, ben, vous allez trouver ça plat. Alors, à la regarder, cette bière est quand même très foncée. Elle a une belle broue. Quand je la sens, c'est quasiment chocolaté dans mon nez. Oui, c'est du chocolat, j'aime du bien café, ça. Une amertume. C'est une bonne stout. On y va pour la première gorgée qui enrobe bien la bouche. Un bon goût franc, comme on aime. Ah oh oui. Il est rempli de noirceur. Ah oh oui, c'est ça. C'est, je pense que tu as très bien décrit la bière. C'est, une bière noire, c'est toujours très... rempli d'amertume, c'est ce que je cherchais. Ah d'accord, d'accord. Rempli d'amertume. Mais pas d'amertume dans le sens que tu regrettes ce que tu as fait la veille. Non, non, non, non. Rempli d'amertume dans le sens que, tu sais, sur la langue, là, c'est amer. Ah, c'est ça, parfait. Mais sinon, ouais, c'est le chocolat, le café, on le goûte très, très bien. Puis... Ça va être une bonne petite bière. Je pense que c'est important aussi à noter que c'est une bière à 9,5% d'alcool. C'est oui. aussi pour la raison qu'on n'a pas choisi d'en boire plus que... Non, une... non, c'est ça. On va s'en tenir à ça. Surtout qu'on revient du Dieu du ciel, donc on a déjà une pinte dans le corps. On va pas... Ouais, on voudrait aussi lever notre chapeau à tout le staff du Dieu du ciel qui en fait, nous endure à chaque fois qu'on y va. Parce que, oui, on n'est pas toujours des enfants de cœur quand on se tient là. Fait que voilà, je pense que sans tambour ni trompette, on pourrait présenter Dead Space 3. Alors, comme vous pouvez comprendre, notre gazou est là pour remplacer les cues sonores qu'on n'a toujours pas faites. Non, ça s'en vient, par exemple. On travaille là-dessus. Ouais, c'est supposé s'en venir. On va travailler là, sur une formule là, comment dire, de réalisation qui est beaucoup plus étoffée, qui est beaucoup plus dans la gamme des FM. qu'on veut pas nécessairement imiter, mais qu'on pense que ça pourrait bien ponctuer notre affaire qui est, somme toute, un broche à foin de luxe. Oh, exactement. Là, on s'entend qu'on fait ça un peu avec les moyens du bord, on fait ça de façon très conviviale. C'est pour ça que c'est jamais exactement la même chose, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait que la beauté de la chose, c'est une conversation, on a du plaisir. C'est ça le but du podcast. C'est pas de faire une émission de radio, c'est de discuter. Alors, entamons tout de suite. Dead Space 3, c'est un genre de jeu qu'on pourrait qualifier de third person horror action. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est une bonne description. Je pense que c'est... excusez-la. Tes souhaits. C'est exactement ça. C'est un third person action shooter un peu horreur. Ça, on reviendra un peu plus tard pour en discuter un peu plus. Absolument, mais bon. On a plein de bons points bullet à dire là-dessus. Oui. C'est fait, en fait, c'est distribué et publié par la boîte EA. Oui, Electronic Arts, et c'est développé par Visceral Games, qui est une plus petite compagnie, mais quand même à l'intérieur d'Electronic Arts. Oui. Puis c'est sorti pas cette année, l'autre d'avant, je pense. Hein? L'année passée ou début... Non, c'est début de l'année, si je me trompe pas. OK, début 2013. Ouais, c'est okay. Dans ce coin-là. Non, ben, on n'a pas les... On a pas les Space 3, tu sais, c'est le fun, on fait non, un c'est petit... Non, c'est sûr, quand même. Fait que, bon, mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? En gros, tu t'appelles Isaac Clark. T'es un ingénieur. Dans la toute première histoire, donc Dead Space 1, tu t'adonnes à aller intercepter un vaisseau spatial d'une compagnie, que je me souviens plus le nom. Le vaisseau s'appelle Ishimura, me semble bien. Et puis, ce qui se passe, c'est que le vaisseau est devenu silencieux et a envoyé un signal de détresse. Et puis, toi, en tant qu'ingénieur, t'es supposé être le cerveau de l'équipe qui est supposé pouvoir réussir à repartir toutes les machines dans le vaisseau, quelle qu'elle soit, que ce soit de la ventilation ou des pilons électriques. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, hein? Mais là, quand t'arrives dans le vaisseau, il se passe plein d'affaires parce que c'est plein de zombies puis plein de bébites dégueulasses qui te sautent dessus puis qui te courent après. Puis, hein? Oui? Xénomorphes. Ah oui. Xénomorphes. Des xénomorphes? Ouais. Je pensais que c'était des nécromorphes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on meurt. Ouais. Ouais. T'as un bon point. OK. C'est pas grave. Xénomorphe, nécromorphe. On va cocher un zéro sur ton chèque de paye pour le prochain mois. C'est correct. OK. Puis là, ben c'est ça. Puis à travers toute l'aventure d'Isaac Clarke sur le Ishimura, on apprend que derrière tout ça se tramait une manigance ou un complot d'une église, en fait, d'une religion qui s'appelle l'unitologie, qui, eux, croient en les pouvoirs mystérieux et magiques de ce qu'on appelle un marker, de ce qu'on trouve aussi à la fin de Dead Space 1 et qu'on poursuit dans Dead Space 2. Spoiler alert. Ouais, pour les seuls qui n'ont pas joué encore, là, on vient de vous dire le punch, fait que ben, laissez faire. Mais continuez à nous écouter, parce qu'on va vous donner plein de trucs là, sur comment bien jouer au jeu. Non, donc, dans ça. Dead Space 2, ce qui se passe, c'est que c'est quelques mois, semaines après les aventures de Dead Space 1, on se ramasse sur une station, sur une des lunes de Saturne, si je me trompe pas. Puis un des vaisseaux vient d'atterrir avec la méchante bébite à bord. Tu vois, celui-là, c'est celui que j'ai pas joué, donc je pourrais pas te donner des détails là-dessus. J'ai joué au premier, j'ai joué au troisième, mais le 2, c'est celui que j'ai dû skipper en quelque part, mais bon, on va faire avec pareil. Ouais, c'est chaud carré, tu sais. Ben, puis donc, pour continuer, ce qui se passe maintenant, c'est que dans Dead Space 3, vu que Isaac Clarke a tourné autour de ces méchantes bébites-là, comme si les bébites avaient discuté avec lui dans son fort intérieur. Il contient de l'information. Il est donc dangereux pour l'unitologie parce qu'il, semblerait-il, connaît le secret pour les arrêter tous, ce que l'unitologie veut pas. Et là, ce qui arrive, c'est que non seulement on se bat contre les nécromorphes dans les différentes stations spatiales qu'on va explorer dans Dead Space 3, on se bat aussi contre la milice contractuelle engagée par l'unitologie. Tout à fait. Qui était engagé pour non seulement aller réclamer ce foutu marker-là, une espèce de gros obélisque à deux têtes, mais aussi pour arrêter Isaac Clarke dans ses pas. Puis il faut bien noter que l'unitologie, c'est vraiment une parodie de la scientologie. Si on regarde bien les publicités qu'il y avait dans les jeux de Dead Space, c'est vraiment fait comme la scientologie. Ouais, des espèces de calligraphie dégueulasse là. Ouais, il y avait de la vente, puis des affaires. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est quelque chose que Visceral ils ont fait un peu pour poker l'église de Scientologie, ce qui est assez drôle, mais c'est ça. Je tenais à le dire parce que je trouve ça quand même très drôle comme, qu'il se soit permis de faire ça dans un jeu grand public. Puis, Ben, on reviendra aussi à Grand Theft Auto 5, là, où il y a. Ouais, il y a la secte de. Je sais plus c'est quoi son nom, là, qui flamme, si je me trompe pas. En tout cas, on y reviendra dans un prochain épisode. Mais toujours est-il, quand Isaac Clarke se fait enfin engager pour aller, si on veut, arrêter les unitologistes dans leur quête dégueulasse, ben, c'est là que les aventures de Dead Space 3 recommencent. Et puis, ça ressemble exactement à Dead Space 1 et 2. Oh oui, c'est vraiment niveau gameplay, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes contrôles, c'est... je veux dire, on s'entend, il y a de l'action, le shooting, tout ça, ça se passe de la même façon, c'est le même, un peu le même pacing. Donc, on sera pas complètement perdu. Il y a des petits trucs qui ont été rajoutés par-ci par-là, mais généralement, quelqu'un qui a, mettons, joué à Dead Space 1 puis qui arrive à Dead Space 3, il sera pas perdu pantoute. Il y a pas de learning curve ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment les mêmes contrôles. Ouais. Que ce soit sur PC ou sur Xbox. Moi, j'ai joué sur PC, toi sur Xbox. Un peu comme la semaine passée avec Batman. Mais j'ai vraiment pas vu aucune différence majeure qui m'a fait faire comme « Ah, faut que je réapprenne comment ça se joue. » Non, c'est vrai, tout est très similaire. Non, comme tu dis, rien qui a changé. Absolument rien. Au niveau du contrôle, du moins. Oui, oui, oui. La qualité graphique est la même, l'environnement, je veux dire, tout le rapport visuel est le même. Mais sauf que on a décidé de changer un petit peu dans le pacing du jeu. Donc, au lieu d'être entièrement linéaire, là au moins on a des options de side mission. Ouais. Ça c'est bien parce que ce qui arrivait avec Dead Space 1, c'était très des endroits fermés, c'était vraiment linéaire, si on va du point A au point B. Tandis qu'on va arriver dans Dead Space 3, puis souvent on va se ramasser dans des environnements qui sont beaucoup plus ouverts. Beaucoup plus vaste aussi, c'est, ouais, c'est plus ça. Large. C'est ça, fait qu'il va y avoir justement plusieurs possibilités, puis justement des petites side missions par-ci par-là qui vont s'offrir à nous. Donc ça rajoute de la variété au niveau du gameplay pour sûr. Quelque chose que j'ai bien apprécié, c'est justement ces side missions-là, elles sont clairement identifiées sur les portes coulissantes finalement. Ouais. Ça dit, comment qu'ils appellent ça? C'est un mission objective secondary. Ouais, quelque chose du genre, je m'en rappelle plus du terme exactement. Et puis pour y accéder justement. Il y a toujours quelque chose à faire pour y accéder. C'est soit une porte à laquelle on doit appliquer une barre de tungstène qu'on peut crafter, donc on peut construire dans n'importe quel bench, donc les fameux bench qui sont toujours là. Ils sont pas pareils comme avant, on y reviendra. Oui. Donc c'est soit on utilise quelque chose qu'on a dans notre inventaire pour débarrer la porte, ou bien on a un mini-game de hacking, c'est simplement de tasser les deux joysticks et faire bouger les curseurs sur l'écran puis aller chercher les points lumineux là, sur un circuit board, un circuit imprimé quelconque. Ouais. J'aime bien la petite variation dans les mini-games comme ça pour débarrer de quoi. Puis ça nous amène dans une zone où le but premier... C'est principalement la narrative. On va aller chercher des audiologues, c'est ça? Ouais, ben ça, généralement, le but des side missions, c'est vraiment d'en apprendre plus sur l'histoire, la narrative, le personnage, tout ça. Donc, ça vaut la peine des fois de les faire. Juste quelqu'un qui adore vraiment l'histoire dans les jeux, qui va vraiment se sentir attaché au personnage, c'est bon de les faire parce qu'il va en savoir vraiment plus que s'il fait juste se fier à l'histoire principale et qu'il sort pas des sentiers vraiment tracés. Il faut vraiment que tu ailles dans les petites portes louches. Puis, C'est ça, c'est bien fait dans ces zones-là parce que justement, tu peux rentrer, il y a déjà quelque chose à ramasser ou à écouter. Puis là, on entend un personnage X en train de raconter ce qui se passe à ce moment-là dans sa journée. Plus loin, on a un deuxième audiologue à écouter où est-ce que c'est la même personne, mais ça va moins bien. Puis mettons, à la toute fin de la zone, ben là, le gars, il est là puis il est mort à terre. On peut clairement identifier que c'est cette personne-là parce qu'il a dit « Je vais attendre à côté de la porte » puis il est là puis il est mort. Non, c'est ça. Fait qu'on a ça. Puis le point secondaire à toutes ces side missions-là, ben c'est bien évidemment le trésor qu'on c'est quoi le mot que je cherchais, là? J'aimerais ça te le dire, Gilles, mais... Je suis pas dans ta tête, donc... Ouais. Parce que là, s'il faut que je traîne un dictionnaire à côté de ma bière pour chaque émission, là, je pense que ça sera pas bien bon. Non, je pense qu'on n'est pas... Donc, le trésor! Donc, c'est ça! Le trésor se résume souvent en une panoplie de parties de fusil. On y reviendra tout de suite maintenant. Et où donc, plus d'armes, plus de scie, plus de munitions, plus de ça. Ce qui nous amène à parler tout de suite de tout le système d'économie qui a été modifié pour ce jeu-là, qui est très différent de en fait, qui est complètement différent de Dead Space 1 et 2. Et le weapon crafting, donc la courte pointe de gun, si on veut. Ouais, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui est changé dans l'économie du jeu? C'est qu'avant, on tuait des ennemis. On ramassait soit des munitions, soit des health packs, ou bien des crédits qu'on pouvait échanger dans n'importe quel kiosque des stations et ou vaisseau spatial pour plus de munitions, pour plus d'upgrade pour notre soute. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a remplacé tout ce qui est crédit par des matériaux, des composantes et ou des matériaux du genre du tungstène, du iron, quelque chose. Ce qui va pas s'en rappeler, Mass Effect 3. En effet. Parce qu'on parle de EA ici. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au début. Ouais, ça c'est le parlons-en maintenant. Quand on commence Dead Space 3, si on a joué à Mass Effect 3, Gaétan? Eh bien, on va avoir un... juste un mot anglais, mais un suit. Un habit, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Mais non, on va avoir un habit avec les couleurs du N7 Mass Effect. Donc, Capitaine Shepard. Shepard, oui. À noter ici que cet habit-là ne donne absolument rien aux joueurs. C'est vraiment une question cosmétique. Puis juste pour avoir un petit easter egg qu'on appelle. Là, c'est vraiment pour récompenser la personne qui a joué à Mass Effect puis qui s'embarque dans l'aventure Dead Space. C'est pas mal tout. Ouais, voilà, donc si on veut upgrader, si on veut devenir plus fort, ben oui, on va devoir s'arrêter à une station des habits, une suit station, je me souviens plus trop comment ils appellent ça, et dépenser toutes ces ressources-là qu'on a accumulées pour se donner plus d'armure, plus de protection, plus de stasis, parce que ça, c'est encore là. Ça, c'est notre pouvoir qui nous permet de figer des choses dans le temps. Oui. Pour une petite période de temps. Ce qui est très, très, très pratique. Ce qui est ton meilleur ami dans ce jeu-là, oui. Pour augmenter aussi la kinesis, qui est encore là. Donc, le pouvoir de la télékinésie. Mm-hmm. L'armure, on l'a dit. Oui. Non seulement ça, dans le bench, on peut s'en servir pour, construire des health packs, pour construire des munitions, et aussi ces fameuses barres de tungstène qui nous permettent d'ouvrir d'autres portes pour encore plus de trésors. Oui, non, ça, on laisse vraiment le joueur se faire lui-même ses propres items dont il va avoir besoin, plus que de lui en donner par défaut. Chose qui est intéressante, ça rajoute un peu plus à la composante de survie, si on veut, du jeu, où vraiment, on n'a pas tout gobé dans le bec, puis faut se battre pour avoir ses composantes, puis après ça, prendre ces composantes-là pour se faire les items qui vont nous être utiles plus tard dans le jeu. Il y a se battre, mais il y a aussi la méthode un peu paresseuse dans Dead Space 3, et j'ai nommé le Scavenger Bot. Qui est quand même très pratique, parce que soyons honnêtes, sans le Scavenger Bot, on n'aurait probablement pas tous les items qu'on a maintenant. Effectivement. Donc, ce qui se passe, le Scavenger Bot, c'est une espèce de petit robot là, qui est aussi gros qu'un laptop. Une fois qu'on l'équipe à la place de notre arme, donc faut être vigilant, là, on peut pas rentrer n'importe où avec ça, parce que dans le fond, ce robot-là ne tire absolument à rien. Il y a juste un radar dessus, puis il se met à faire des petits bruits quand on est proche d'un emplacement qu'il va avoir jugé de choix pour justement chercher les environs et puis récolter toutes ces ressources-là. Mm-hmm. Une fois qu'il est déployé, on doit attendre, je me souviens plus combien de temps, je pense que c'est 15 minutes environ. Ouais, à peu près. Et puis, on a toujours un message dans notre HUD pour nous dire que notre Scavenger Bot est de retour au bench le plus proche. Ouais. On ira récolter nous-mêmes nos ressources et dépenser tout cela sur même d'autres choses qu'on pourrait dépenser. J'ai nommé le Weapon Crafting. Ouais. Ça, encore là, c'est une option vraiment intéressante parce que, pardonnez-le, souvent, contrairement à Dead Space 2, le crafting dans Dead Space 3 est vraiment un peu plus poussé. On peut vraiment prendre les composantes, faire vraiment des guns complètement différents dépendant de ce qu'on va mettre dedans, avec les chips qu'on peut rajouter, qui vont rajouter certains attributs vont en enlever d'autres. On l'améliore. Il y en a qui vont donner, mettons, plus 3 de damage, puis qui vont enlever du recoil ou des trucs comme ça. Donc, il y a moyen de vraiment customiser son arme comme on le veut. Puis, tu sais, on peut avoir les deux le même walkthrough pour avoir la même arme pantoute, puis avec les mêmes composantes, juste parce qu'on voulait pas avoir telle affaire dedans. Définitivement. Puis, C'est ce qui fait la grosse différence entre Dead Space 1, 2 et le 3 en comparaison, surtout au niveau des armes. Parce que moi, ce que j'avais énormément aimé dans Dead Space 1 et 2, c'était l'aspect upgrade de nos guns. Dans le bench, on pouvait, une fois qu'on avait accumulé assez de power nodes, on pouvait les appliquer sur le circuit imprimé de chacune des armes. Et le circuit imprimé, c'était différents chemins qui t'amenaient soit plus vers le damage ou plus vers, mettons, le reload ou la capacité de munitions par clip. Puis c'est toujours une question de est-ce que je veux plus ça ou ça, puis ultimement arriver à ça. Là, ce qui se passe, c'est que notre circuit imprimé, il est complètement ouvert. On a 8 trous dans lesquels on peut appliquer, comme tu disais, n'importe quel circuit qui va nous donner plus 2 damage ou plus 1 damage seulement, ou quand on arrive plus loin dans le jeu, plus 2 quelque chose et moins 1 quelque chose. À ce moment-là, il va falloir prendre des décisions. Mais ça, c'est juste au niveau de l'upgrade du gun lui-même. Comme tu mentionnais, avoir des guns différents, ça, c'est vraiment... J'imagine que c'est absolument ça que EA voulait mettre toute l'emphase de, parce que tout le système d'économie dans le jeu semble être fabriqué et conçu en sorte de pouvoir échanger des choses. Moi, je peux laisser un gun en quelque part, et puis... toi, tu peux aller chercher dans ton mode co-op. Ouais. Pourquoi le téléphone sonne là, là? Hein? Qu'est-ce que c'est ça, là? On va aller voir ça. On a du montage à faire. Ouais, bon, ben, chers auditeurs, quand le téléphone sonne puis c'est un message automatique qui vous répond, vous avez rien qu'à faire. Fuck you! As-tu gagné une croisière? Non, c'était Olivier qui appelait pour la fondation des grands frères, grandes sœurs. Ah, ben, c'est déjà mieux qu'une croisière. Ouais, j'en ai gagné 8 depuis la semaine passée. Pas donc, le weapon crafting, en gros, de la manière que ça fonctionne, c'est que, bon, alors qu'on déambule dans tous les environs du jeu, on va pouvoir ramasser des pièces d'armes. Et chaque arme est composée de la façon suivante. Vous avez votre frame auquel vous y ajoutez votre arme primaire. Ensuite, vous y ajoutez un bout. Vous y ajoutez ensuite un core secondaire auquel vous y ajoutez un bout. Et vous pouvez rajouter sur les armes, après ça, des mini-upgrades qui sont secondaires eux aussi. Donc... Si on prend par exemple le line gun qu'on avait dans Dead Space 1 et 2, qui est fantastique, moi c'est une de mes armes préférées, le line gun. Je pense que de tous les jeux de science-fiction auxquels j'ai joué, le line gun, là, c'est... Écoute, là, c'est un laser large de main, là, ça shoot, ça te coupe les deux jambes en même temps. Chaque arme dans Dead Space 1 et 2 avait toujours un tir secondaire, n'est-ce pas? Ouais, ben oui. Là, tu choisis ton tir secondaire, tu peux mettre un deuxième gun à la place du tir secondaire qu'il y avait par défaut avant. Ouais. Fait que moi, je me suis fait un shotgun avec line gun. Non, c'est ça. Et... ça détruit, là. Tu sais, ça torche, là. Puis je l'ai travaillé fort, mon gun. Là. C'est comme, ah, ma tactique de jeu est plus comme ça. Ah, ben, on m'en allait vers cette direction-là pour faire le gun que je veux, puis je l'ai eu. Non, c'est ça. Il y a vraiment moyen de le customiser selon ton style de jeu, je veux dire. Si tu as vraiment un gun qui est vraiment, qui fait beaucoup de damage, mais qui va, tu sais, un peu comme un shotgun, parce que tu n'auras pas nécessairement une très grande portée ou qui ne sera pas super précis, mais qui fait beaucoup de damage, tu as moyen de le faire. Si tu veux un gun qui est très précis, mais qui fait moins de damage, tu peux le faire aussi. C'est vraiment selon la façon que tu veux le jouer, il y a le gun pour toi en quelque part. Faut juste que tu le fabriques toi-même selon les composantes que tu vas trouver, mais... tu peux le fabriquer, ça c'est sûr. Ouais, quand j'ai compris le concept comme il faut, j'ai perdu énormément de temps là-dedans, puis ça m'en a fait devenir un meilleur joueur, je pense, parce que j'étais plus conscient de l'arme que je maniais. Et ça me permettait justement de mieux m'engager dans les différents combats contre les nécromorphes. Messieurs, dames, c'est maintenant le moment, puisqu'on est rendu à peu près à la moitié de l'émission, de la gorgée du milieu. La gorgée du milieu, c'est le moment de l'émission où on est rendu à peu près à la moitié de notre bière, puis ben, on en parle. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec ta bière, mon Gaétan? Ben c'est ça, je suis à peu près rendu à la moitié, puis toujours aussi bonne. Non, vraiment, ça lâche pas. C'est sûr qu'avec avec les premières gorgées, on va goûter un peu plus l'amertume parce qu'on est moins habitué. Mais plus ça va, plus que tu goûtes vraiment le cacao, le café. Un goût, j'ai juste hearty dans la tête, là. Tu sais... réconfortant. Ouais, si ben ça aussi. Ouais. Mais moi, c'est le terme qui me vient en tête parce que, bon, là, il fait froid dehors. Puis en buvant ça, j'ai comme l'impression de boire un chocolat chaud dans lequel j'y ai versé un alcool fort quelconque. C'est un peu ça, mais froid. Oui, froid, ouais, c'est ça, là. Mais tout ça pour dire qu'avec la neige qui tombe, mettons que j'aurais un foyer, là, j'aurais aucun problème à troquer mon café cheminot ou mon chocolat chaud Baileys pour une péché mortelle. Non, non, non, c'est ça. Tu sais, avec ta couverte, là, puis ton épisode préféré des Simpsons qui passe à la TV, là, puis le petit feu qui brûle dans le coin. Là. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, parce que t'as mal branché ta prise de courant, puis le feu est pogné dans les rideaux. En tout cas, c'est ça. On n'ira pas là. Ah, là, ouais, on, ouais. Hey, man, Noël 2010, là. Oh, non, c'est ça, c'était rough un peu. Là, ouais, là. Ouais, ouais. En tout cas, mais non, c'est ça, la péché mortelle, c'est vraiment... C'est un dessert. C'est un dessert. Tu bois ça, puis c'est réconfortant, c'est du sucre, c'est comme si tu prenais ton dessert, ton café, tu le mettais ensemble, tu le chuggais, là. C'est ça, c'est comme si tu prenais une tasse de café puis une pointe de gâteau forêt noire. Bon, tu sacrais ça dans le Slap Chop, là, puis... J'aurais plus dit blender, mais Slap Chop aussi. Il y en a pas un blender, le gars? Ben, peut-être. Mais en tout cas, on n'embarquera pas dans l'histoire de Slap Chop. Ouais. Le gars est en prison, battu des prostituées. Pis, ah, il est sorti, là. Fait que allons se cacher. Donc, ce qui nous amène à continuer à parler de Space 3, donc. On a couvert les guns, le weapon crafting qui est très intéressant. On a couvert les side missions. On a couvert la nouvelle économie. Il y a aussi, parce que EA est devenu très fort là-dedans, parce que tout le monde s'en va sur les internets maintenant, puis tout le monde partage tout, il y a du co-op. Ouais, ça c'est vraiment intéressant, fait que maintenant c'est Dead Space, c'est plus juste un jeu où t'es tout seul devant ta télé, puis tu joues, puis ton aventure à toi tout seul et c'est tout. Tu peux maintenant jouer en co-op avec une autre personne pour faire l'histoire principale du jeu. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des jeux co-op maintenant ont tendance à... à oublier le deuxième joueur, à faire comme s'il était pas là dans les moments où il va vraiment avoir des cinématiques, des trucs narratifs. Parce que le deuxième joueur, normalement, est comme une copie du premier joueur, c'est tout. C'est pas une deuxième personne, c'est vraiment juste une copie. Ce que Dead Space a fait, c'est vraiment de faire un autre personnage complètement avec son histoire à lui. Ouais, parce en plus d'avoir Isaac Clarke comme personnage principal, donc il y a des interactions entre les deux, puis la narrative va venir supporter soit un, soit l'autre, dépendant de la mission. En fait, c'est que Carver, ce deuxième protagoniste-là, fait partie de l'équipage du vaisseau qui s'en va à la rescousse de la station spatiale ou base ou peu importe, là, on a oublié, mais il fait partie de l'équipage, donc il débarque avec Isaac Clarke dans cet environnement-là, et puis quand, justement, on arrive à une porte bien identifiée, co-op, avant de la débarrer, si on est connecté en ligne, on a rien qu'à faire let's go. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Là, tu dis ok, trouve-moi quelqu'un. Et puis un appel à tous est lancé et puis quelqu'un répond. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que de la façon qu'ils ont fait le co-op, c'est un peu désynchro. Par désynchro, ce que je veux dire, c'est que il y a un exemple, j'avais vu un vidéo de deux personnes qui jouaient, puis t'avais une des deux personnes. Je pense que c'était Carver, justement, le deuxième personnage, que lui, il commençait à voir un fantôme se promener tandis que l'autre le voyait pas. Puis là, finalement, il décide de suivre le fantôme puis de voir ce qui va se passer. Puis t'as vraiment un des deux personnages qui va voir un paquet de trucs, vraiment des affaires super troublantes, des images de ses enfants, des trucs comme ça. Tandis que l'autre joueur verra absolument rien de ça. Il va juste le suivre, tuer les ennemis quand il arrive, puis c'est tout. Donc, c'est co-op, mais chacun le vit différemment. Ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça donne quand même une espèce d'exclusivité à toi dans ce monde-là qui est connecté, de dire « Ok, mais moi, j'ai vécu ça. Toi, qu'est-ce que t'as vécu? » Ça, c'est super intéressant. C'est ce qui fait le lien aussi avec la grande thématique du jeu qui est la peur, qui est la folie. Puis c'est pas les attentes, mais c'est aussi les impressions qu'on a. Parce que pour un long moment dans Dead Space 2, Isaac Clarke semblait penser que sa femme était toujours vivante. Elle est pourtant décédée. Elle faisait partie de l'équipage du Ishimura dans Dead Space 1. Puis il la retrouve jamais, ou il la retrouve, mais sous forme de fantôme. Et puis à cause du marker, à cause de sa présence néfaste dans le vaisseau, et de ses implications vraiment insidieuses sur le cerveau. C'est comme ça qu'Isaac Clarke est devenu de plus en plus fou. C'est ce qui nous amène à Dead Space 3, là où tu dis le Carver, commence à voir des affaires, puis Zach Clark les voit plus parce que probablement il commence à mieux les contenir, à mieux les contrôler. Ben, en fait, c'est littéralement, tu sais, il y a un joueur qui voit ça parce que, mettons, Carver, il commence à halluciner des trucs, puis c'est vraiment des trucs personnels avec sa famille, puis tout ça, tandis que Isaac, ben, il vit pas parce que c'est justement, c'est pas sa famille, c'est pas ses trucs, donc. C'est spécial, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Ça vaut la peine de jouer en coop juste pour ça, pour pouvoir le vivre. Puis justement, d'en parler avec l'autre personne au fur et à mesure que ça se passe pour voir comme, ok, mais moi je vois ça, parce que, mais ok, mais moi j'ai rien de ça. Fait que, comment qu'on deal avec la situation présentement? On essaie de transposer la folie envers le joueur. Exactement, c'est qu'après ça, c'est le joueur qui va penser qu'il est un peu fou parce qu'il voit de quoi que l'autre voit pas nécessairement. Donc ça, c'est quand même très bien pensé. Et ça m'amène à parler du fait que l'horreur est peut-être pas aussi présente qu'elle l'était avant. En fait, faudrait qu'on se donne chacun une définition de l'horreur. Non, c'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est une opinion personnelle, je pense que l'horreur est moins présente. Ce que je viens de décrire, je trouve ça intéressant, je trouve ça super le fun. Je pense que c'est une façon de l'amener un peu plus loin. Cependant, pour ce qui est de l'horreur telle qu'on la voyait dans Dead Space 1, ça n'existe pratiquement plus. Ben, ce qu'il faut surtout dénoter, c'est que vu que le jeu est resté pratiquement inchangé au niveau de la dynamique, t'arrives en quelque part, il fait noir, tu vois les grilles dans le mur, ah, tu sais que les bébés vont être là, mais là, t'as ça à faire avant. Non, là, c'est sûr. Le faire. Puis au moment où t'arrives sur le piton, ben là, ah, les lumières s'éteignent, ah, les bébés sortent des mêmes grilles que t'as vu tantôt, puis là, faut que t'aies dessus, tu sais. L'élément de surprise, il est vraiment plus aussi présent que dans le 1 ou le 2. Non, parce qu'on est rendu habitué à cette mécanique-là. Il y a une question d'habitude, il y a une question qui ne se sont pas nécessairement renouvelées. Ouais, c'est ça. C'est puis les jump scares qu'ils essayent de faire sont pas nécessairement aussi efficaces. Soit que tu t'y en attends ou tu es comme ah, ok, c'est juste une bébite de plus. Je veux dire, souvent, je jouais. Puis, admettons, tu es sur une planète remplie de neige, grosse tempête, puis tout ça. Tu te promènes, puis il y a une bébite qui sort en arrière de toi et qui se met à t'attaquer. Normalement, ça aurait dû te faire peur parce qu'elle est sortie dans ton dos, t'as le gros bruit intense dans tes écouteurs qui te fait signe qu'il y a une bébite. Mais ça marche plus aussi bien que ça marchait avant. Non, je pense que justement, on est rendu trop habitué à ça. Non, c'est ça. Fait que c'est bien. C'est juste moins horreur que c'était avant, selon moi. Ça enlève rien au jeu. Je pense que ça l'a évolué. Puis on a peut-être évolué nous autres même avec le jeu. Sauf que quelqu'un qui veut embarquer en Dead Space 3 puis se dire « Ok, je m'attends à un gros jeu d'horreur », il est peut-être mieux d'aller jouer à Dead Space 1 parce que je trouve que Dead Space 1 est encore efficace maintenant comparé à Dead Space 3 niveau horreur. Ouais, définitivement. C'est ce qui nous amène à parler de la réalisation puis de la présentation du jeu. Où dans Dead Space 1... l'élément d'hermétisme de confinement est tellement bien ponctué que oui, si on joue à ce jeu-là dans une pièce sombre avec des écouteurs, on peut avoir une méga chienne. Surtout parce que tout est tellement crédible que c'est dur de se détacher une fois qu'on a bien plongé dans cette réalité-là. Tu sais, t'es tout seul dans ton vaisseau là. L'équipage qui arrive avec Isaac Clarke, c'est pas plus que deux ou trois personnes, à peine. Puis je pense qu'il y en a même un qui crève en partant. Ce qui fait en sorte que tu as beaucoup moins d'options de dialogue avec d'autres personnes. Et seul autre dialogue que tu as, c'est quand tu trouves des audiologues ici puis là. Mais encore là, c'est laissé par quelqu'un qui est mort, que tu vas retrouver mort à côté de la porte plus loin, comme on expliquait plus tôt. Mais au niveau de l'horreur, pour moi, vu que c'est gore, vu que c'est très sanglant, vu que c'est des bébites dégueulasses avec des pics puis des yeux puis de l'acide qui coule puis tout, ça demeure pour moi un jeu d'horreur parce que c'est avec ce genre de réalité, vivante-là, qu'on deal. Il y a toujours des éléments de qu'est-ce qui va se passer ici. Je rentre toujours dans une pièce avec beaucoup de crainte. Comment je vais approcher ça? Qu'est-ce qui va s'arriver à moi? Mais j'ai pas autant peur. J'ai pas autant le sentiment de pas avoir le dessus sur la situation. Non, c'est ça. Puis en fait, je pense que c'est un peu comme tu disais, c'est que Dead Space 1, c'était très, très hermétique, très linéaire. Puis... À la limite claustrophobique, dans le sens où... exactement. C'est ce qui aidait, justement. C'est que c'était vraiment des pièces petites. Des petits corridors. C'est ça, c'était des petits corridors. Tout ça. Donc, du moment qu'il y avait une bébite qui arrivait en avant de toi, je veux dire, tu te sentais automatiquement menacé, puis tu te sentais pas bien parce que tu sais que t'avais pas grand espace pour te déplacer, puis tout ça. Ouais. Tandis que là, encore là, ça va être la réalisation. Maintenant, Dead Space est beaucoup plus ouvert dans Dead Space 3 que dans Dead Space 1. Ouais, c'est, en enlevant cet élément de claustrophobie-là, ouais. que c'est ça qui nous enlève peut-être l'élément de, bon... comment je vais faire ça? Non, t'sais. C'est ça. Il y a des trucs qui sont super bien faits quand on se promène justement sur la planète où c'est des gros environnements ouverts, mais avec un blizzard qui nous empêche de bien voir. C'est super bien fait. Le sentiment d'être tout seul quand on se promène aussi dans l'espace avec le air suit, puis on a activé des switches par-ci par-là. C'est super bien réalisé, mais encore là, ça, c'est que c'est des espaces très ouverts comparativement à ce qu'on avait avant, donc c'est super bien fait, c'est juste, à mon goût, moins terrifiant, si on peut dire. C'est ça, c'est moins terrifiant. Mais quand même, on dit toujours dans l'horreur, mais il y a beaucoup moins de terreur. Mais sinon, ce niveau réalisation, je veux dire, c'est extrêmement beau, c'est... Le souci du détail, le niveau de détail, oui. En fait, dans tous les environnements, je veux dire, si tu compares les textures des murs de Dead Space 3 à, mettons, BioShock Infinite, il y en a un des deux qui a des crises de gros pixels. Là. On parle de BioShock Infinite où les textures de devanture de maison, là, c'est fait pour être regardé de loin. Là. Ouais, ça c'est toujours un peu problématique. Sûr que aussi sur console, c'est toujours plus... touché. Regarde, on n'est pas là pour débattre mais quand même, je veux dire, les jeux sur PC, sont généralement, ils ont des meilleures textures pis tout ça parce qu'un PC est plus fort qu'un Xbox 360 en partant. Mais n'empêche que, ouais, c'est ça. Il y a un souci du détail qui est apporté. Je pense aussi, c'est... Au-delà du détail, c'est le gros plan. Ça reste un titre triple A qui appelle, qui est les grosses productions de jeux. Puis ça paraît, je veux dire, il y a du budget, c'est tout est gros, tout est over the top, toujours. C'est spectaculaire, la caméra est toujours à la bonne place pour mettre l'emphase sur l'explosion, mettre l'emphase sur le gars qui court sur la passerelle. Ouais. Tu sais pas s'il se fait courir après par quelque chose ou s'il va venir t'aider ou, tu sais, on ne sait pas, là. Je veux dire, l'histoire, bon, au-delà du triangle amoureux dans l'histoire qui se déroule dans Dead Space 3, qui est totalement insipide puis qu'on pourrait se passer d'eux, là. N'en demeure pas moins que l'action, quand les personnages se déplacent, oui, eux, ils ont de la crainte. Oui, eux, ils doivent s'en aller à quelque part. Puis tout ça est accentué par la réalisation qui est top-notch au niveau de la qualité graphique, la qualité du level design. Moi, je trouve que tous les environnements sont super beaux, ça navigue bien. Le audio design, il n'y a pas une place où je suis allé où j'ai pas senti que c'était crédible comme son. Parce que vu que Isaac Clarke, c'est un ingénieur, il va devoir faire avec de la machinerie lourde, mais cette machinerie lourde-là, elle sonne. Il y a vraiment une présence audio de tous ces éléments-là dans le monde qui rend tout ça très vivant, malgré la mort et l'horreur. Ben, justement, tu sais, tu parles de vivant, puis ça me fait penser au HUD, justement, tout ce qui est interface dans le jeu, où tout est présenté de façon à ce qu'il y ait le moins de menus possible et que tous les menus soient dans le jeu. Non, mais c'est ça. Il n'y a rien à l'écran. Mais en fait, du moment que tu vas vouloir, mettons, rentrer dans un menu ou que tu vas avoir un pop-up d'un objet qui va être à terre ou quoi que ce soit, c'est toujours de la réalité augmentée. Ouais. Donc, on fait comme si c'était, mettons, un viseur que Isaac y aurait, puis qu'il verrait l'objet, puis ça lui dit, OK, les informations sur l'objet. Imaginez les Google Glass avant leur temps, là, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Puis, tu sais, même, encore là, comme dans Dead Space 1 et 2, je veux dire, la vie est dans le dos, dans une... Dans une tube. C'est ça. Puis, t'as vraiment ta barre de vie dans le dos, ta barre de ton stasis, tout ça. Toutes les informations standards, slash traditionnelles, sont sur le personnage et non dans l'écran. Fait que ça fait que, quand tu vas jouer... c'est vraiment ce que tu vois, c'est le personnage, c'est le jeu. C'est ce que lui, il voit, il n'y a aucune distraction. Non, c'est ça, exactement. T'as pas de petits trucs qui vont popper dans le coin parce qu'il commence à te manquer de vie ou des trucs comme ça. Ça fait partie du personnage, du costume, du design du jeu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça fait que justement, t'as moins de distraction, c'est moins un gros clusterfuck dans l'écran de menu puis de HUD qui est pas toujours utile. Là, ils ont vraiment réduit ça. Puis en fait, ils ont juste mis ça... Ils l'ont épuré. C'est ça, exactement. Puis ils ont fait que c'était une partie intégrale du personnage, du jeu. Puis ça, c'est vraiment très, très bien. Fait que une chose que j'aimerais souligner avant qu'on termine, c'est le exotique gameplay. Parce que oui, c'est un third-person shooter. Donc on est tout le temps en train de marcher dans des corridors puis aller tuer des bébites puis se rendre du point A au point B. Mais il y a quand même quelques éléments de jeu qui sont bon, exotiques, là, c'est le terme dans l'industrie. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment briser la monotonie. La monotonie, si on veut. Moi, une des scènes qui m'a vraiment fait faire wow, c'est la scène où on est dans notre petite navette spatiale qui doit aller atterrir sur la planète à côté, mais qui malheureusement souffre d'un bris technique quelconque. Et puis on est en train de se crasher sur la planète, mais au même moment, c'est Isaac Clarke qui est en train de piloter ça. Alors, la réalité augmentée apparaît devant lui dans le windshield, si on veut. Les gros carrés verts qui apparaissent pour te montrer ta fenêtre de descente vers la planète en même temps que tu dois contrôler à l'aide de l'autre joystick, les canons qui vont tirer les débris et les astéroïdes présents ouais. dans ton chemin à cause de l'explosion du vaisseau avant. OK, ça là, des fois j'en voudrais plus, mais pas trop. Il n'y en avait rien qu'un dans ce jeu-là, puis c'est pour ça que je m'en rappelle puis que je trouvais que c'était un moment fort. Non, c'est ça, c'est vraiment l'intensité dans le tapis avec ça, c'est... À ce moment-là, l'élément du stress, il l'est, là. Oui, littéralement. Je veux dire, c'est... Tu te crashes sur une planète, tout à ce moment-là te fait dire tu vas pas t'en sortir. Ouais. Je veux dire, la caméra va shaker, tu vas foncer dans des astéroïdes parce que tu seras pas assez vite. La réalisation sonore, les impacts. C'est ça, exactement. Tu sais, il va y avoir les barks des autres personnes qui sont dans le vaisseau avec toi. Donc, non, c'est impressionnant. Vraiment, ce moment-là est fort en émotion, en stress. C'est aussi le principe de te faire croire si tu vas l'avoir ou tu l'auras pas, puis tu sais pas c'est lequel qui est le bon. T'sais. C'est bien réalisé. Oui. Parce que des fois, il y a des jeux qui vont te faire, admettons, qui vont te faire mourir, puis ça fait partie de la game de perdre. C'est voulu. Sauf que tu veux tellement pas le perdre que tu fais tout pour pas le perdre, puis quand ça arrive, t'es comme, OK, faut que je recommence, puis tu sais, mais finalement, non, c'est correct. Puis ça, c'était vraiment ça, parce que c'est ton vaisseau, au fur et à mesure que tu descends, ben, t'as pas le choix, tu pars un astéroïde, il y a un bout du vaisseau qui part. Le feu prend. C'est ça, t'as l'impression d'avoir failé ce bout de la mission-là, mais finalement, tu l'as réussi, parce que c'est ça que le jeu voulait. Ouais, c'est qu'on t'a carrément imposé. Cette scène-là. Non, c'est comme ça. On t'a imposé que tu l'ailles pas. Que on tu pourrait dire pas. Que c'est sur rail à ce moment-là puis que c'est pas bon, mais en même temps, pour me faire vivre l'émotion que j'ai vécue, si c'est ça que je dois faire dans le jeu pour la vivre, l'émotion, puis que je l'ai senti, chapeau quand même. Mais en fait, il reste quand même une certaine portion où tu dois quand même détruire certains astéroïdes parce que je suis pas mal sûr, je l'ai pas testé personnellement, mais je suis pas mal sûr que si tu fais juste rentrer dans le tas, tu fais rien, tu touches à rien, je suis pas mal sûr que t'as moyen de faire littéralement. Il y a un minimum d'apport que ça. Le joueur doit mais doit quand donner. Même, tu sais, c'est intéressant. Je regarde le temps passer, mon Gaétan, puis je pense qu'on est rendu au moment de la dernière gorgée. Donc, la dernière gorgée, notre bière tire à sa fin. Comment est-ce qu'on a aimé la bière Péché mortel par Dieu du ciel ce soir? Ben moi, honnêtement, je suis toujours un parti pris avec la Péché mortel. C'est une bière de choix. C'est pas la première fois que j'en bois, c'est pas la dernière fois que je vais en boire. C'est pas une bière de soûlerie. Vraiment pas. C'est pas une bière que tu vas boire pour te saouler. C'est vraiment. Non. Mais c'est une bière de dégustation. T'en prends une, tu la savoures amplement. C'est ça qui est le fun de cette bière-là. C'est pareil pour moi, c'est une bière qui a beaucoup de personnalité douce malgré la force qu'il y a. Ouais, on sent pas le 9,5% d'alcool. Là, vraiment, ben pas tout de suite, là, mais peut-être après l'émission. Mais je parle au goût, il n'y a pas un goût fort d'alcool. L'amertume vient principalement du fait que c'est une bière au café et non pas du fait que c'est une bière forte. Ça, c'est très apprécié parce qu'on n'aime pas ça une bière qui fait juste goûter l'alcool et qui goûte à rien. Et on en parlera à d'autres brasseries de grands noms. Sur ce, ça nous amène quasiment au mot de la fin. Alors, c'est le moment du verdict. Vous comprendrez que j'ai pas vraiment d'imagination avec mes cris de gazou. Alors, mon cher Gaétan, entre Dead Space 3 et Péché mortel, est-ce que tu y vas pour le jeu, la bière ou les deux? Je pense personnellement y aller avec la bière parce que autant que j'ai eu du plaisir avec Dead Space 3, c'est pas une expérience qui va rester gravée dans ma mémoire. C'est une bonne expérience, j'ai aimé ça, mais c'est pas « Oh my God, c'était incroyable » puis j'ai T'sais, j'ai besoin de ça. C'est comme un de mes souvenirs de jeu. Non, non, non. Tandis que la Péché Mortel, c'est une des très, très bonnes bières que j'ai bu dans ma vie. C'est une bière confort, une bière que je vais aller chercher quand j'ai juste de quoi me réconforter, que je sais qu'il va être bon, je vais pas me casser la tête, je sais que c'est un très bon choix. Fait que la bière m'a plus marqué que le jeu, personnellement. Good, good. Et dans mon cas, je pense que le mot qui va résumer mon verdict, c'est modération. Je m'explique. Oui. Comme mon cher frère Gaétan a dit, c'est pas une bière pour se saouler. Donc, on la déguste. On en prend quand on en a envie. On prend le temps de la savourer. Je vais faire pareil avec Dead Space 3. Je l'ai toujours pas terminé. Je suis au boss de la fin, qui est ma foi pas facile. Donc, je vais jouer à Dead Space 3 de façon modérée, simplement pour le finir. Puis une fois que c'est fait, c'est fini. Mais Péché Mortel, je vais y retourner parce que c'est un vrai petit péché. Ah oh oui, on se le cachera pas. Et là, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. Oui, ce fut un plaisir de vous parler de jeux et de bières encore. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Laissez-nous vos commentaires, autant sur le jeu que la bière, parce qu'on aime entamer les discussions et les débats sur les deux sujets, parce que c'est deux sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, s'il vous plaît, écrivez-nous. Ben oui. On va vous envoyer le courriel. On va vous envoyer les pages Facebook et Twitter et Tumblr. Et... On est sur à peu près tous les réseaux sociaux présentement, donc on va vous écœurer avec ça encore un peu. Ouais, je viens de découvrir ça, là. C'est vraiment intéressant. Mais... Wow! Alors, merci encore d'avoir été là. Je ne vais pas arrêter de vous le dire parce que vous êtes vraiment chers à nos yeux. Et sur ce, le mot de la fin. La mort. Ouais! Hey! À la prochaine!